Chapitre 314. L'interdiction de jurer par une chose créée, comme le prophète, la Kaaba, les anges, le ciel, les ancêtres, la vie, l'âme, la tête, la vie du sultan, les bienfaits du sultan, le tombeau d'un tel, et surtout par la loyauté. Amana. 1707. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah Ta'ala vous interdit de jurer sur vos ancêtres. Que celui donc qui veut jurer, jure par Allah ou qu'il se taise. Al-Bukhari et Muslim. 1708. D'après Abdurrahman ibn Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Ne jurez ni sur les idoles, ni sur vos ancêtres. Muslim. 1709. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Celui qui jure par la loyauté, amana, n'est pas des nôtres. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1710. Buraïda, radiyallahu anhu, relate que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Quiconque jure que s'il ment, il n'est plus musulman, alors qu'il est bel et bien en train de mentir, ne l'est effectivement plus. Et s'il disait la vérité, il ne retournera pas indemne à l'islam. Abu Daoud. 1711. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu un homme jurer: Non, par la Kaaba. Ibn Omar lui dit: Ne jure que par Allah, car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Celui qui jure par autre qu'Allah aura commis un acte de mécréance ou d'association. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. Certains savants ont expliqué que les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, un acte de mécréance ou d'association, ont pour but de montrer la gravité de l'acte, comme il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: L'ostentation est une forme de polythéisme.